dernière file de nos souvenirs. Il est comme l'air du courant, il n'a pas le temps d'être de son temps. Se situe sur plusieurs plans, mais à la seconde, il se serre les dents. Et se serre les dents. Et se serre les dents. C'est bien qu'on profite de lui, mais il redevient en l'espace de temps celui à qui on lui doit tout. Il sera